Vous écoutez Futur Simple au 89.1 et nous allons finir l'émission en abordant la maladie d'Alzheimer. On sait qu'avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes seront concernées par cette maladie et l'un des enjeux est d'en faire le diagnostic. Alors ce diagnostic pourrait bien passer par une mesure du gras. Alors on en parle avec Moustapha Lor. Bonjour Moustapha. Bonjour. Je suis venu aujourd'hui vous parler de la maladie d'Alzheimer. Car il y a une étude qui vient de sortir sur le sujet qui annonce un moyen efficace de la dépister. OK. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler, effectivement, oui. Faire un petit rappel sur ce que c'est la maladie? En effet, donc cette maladie a été découverte en 1906 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer. Et puis, il l'a découverte en analysant le cerveau de l'une de ses patientes nommée Auguste D. et atteinte de démence. Il a remarqué en fait que la présence de deux types de lésions dans le cerveau. Et puis il a conclu que la maladie. Il a remarqué en fait qu'il y avait deux types de lésions dans son cerveau. Mmh. Et il en a conclu que la maladie était une maladie du cortex cérébral. Et c'est comme c'est que ça a été découvert. Et puis on peut dire qu'il s'agit là d'une affection du cerveau neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle va entraîner une disparition progressive des neurones. Donc, ça fait plus de 100 ans qu'on a découvert la maladie. Oui, un peu plus de 100 ans. Et maintenant, si on faisait un peu dans les statistiques, dans les chiffres, oui, par si exemple. On fait un peu de chiffres, on peut dire qu'au Canada, en 2011, on comptait environ 747 000 personnes atteintes. Cela représente environ 15% des personnes de plus de 65 ans. Et d'ici 2031, le nombre de malades dépassera le million. Et à l'échelle mondiale, on compte plus de 35 millions de personnes qui souffrent de cette maladie. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ce nombre va doubler tous les 20 ans pour atteindre 115 millions de personnes atteintes en 2050. Et donc, inutile de rappeler qu'il s'agit là d'un enjeu majeur pour l'avenir pour l'avenir et la santé des Canadiens et des populations en général, et que cela représente aussi de belles perspectives pour l'industrie pharmaceutique qui s'est déjà glissée dans le gouffre. Mmh. Avec 115 millions de personnes, effectivement. Ouais, ça fait un beau bassin de futurs patients. Effectivement. Mais si on revenait un peu à la maladie, en fait, quels sont les symptômes de cette maladie, à part évidemment celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire la perte de mémoire? Oui, en effet, on associe souvent la maladie d'Alzheimer à la perte de mémoire, car ce sont en fait les neurones localisés dans la région de l'hippocampe qui sont les premiers atteints. Cette zone, en fait, c'est la zone du cerveau responsable de la mémoire. Malheureusement, petit à petit, d'autres zones du cerveau vont être touchées et mènent à la disparition progressive des capacités d'orientation dans le temps et dans l'espace, des déficiences pour la reconnaissance des objets et des personnes, l'utilisation du langage, le raisonnement, la réflexion, ainsi qu'une incapacité d'accomplir des gestes simples de tous les jours. Donc, les facultés cognitives sont oui, atteintes. Sont touchées. C'est ça. Et évidemment, je vais te poser la question qu'on se pose tous. Quelles sont les causes de cette maladie? Est-ce qu'on le sait? J'aimerais bien y répondre directement que non, mais je vais un peu élaborer autour. Donc, la maladie d'Alzheimer résulte d'un processus pathologique spécifique qui entraîne le développement de deux types de lésions au niveau du système nerveux central. Tout d'abord, les dégénérescences neurofibrillaires qui résultent de l'apparition dans les neurones d'anomalies de la protéine Tau. Celle-ci, en fait, elle n'accomplit plus sa fonction naturelle et elle devient anormale. Mm-hmm. En devenant anormale, elle va s'agréger et former des filaments, ce qui provoque par la suite une dégénérescence des neurones, et puis les connexions entre neurones se perdent. OK. Connexions connues sous le nom des synapses. Les synapses, OK. Les synapses, à cause de ces filaments de protéines. C'est ça. Et puis, le deuxième type de lésion, c'est ce qu'on appelle les plaques amyloïdes ou plaques séniles. Il s'agit là d'un dépôt à l'extérieur du neurone de la protéine bêta-amyloïde, qui elle aussi va s'agréger et va former des filaments amyloïdes. Mmh. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux types de lésions envahissent progressivement les différentes zones du cortex cérébral. Et même, comme j'ai déjà dit, après 100 ans de la découverte de la maladie, on n'est toujours pas capable de dire précisément les causes de la pathologie. On sait que la présence des deux lésions est nécessaire pour développer la maladie, car l'une n'arrive pas sans l'autre, mais quelle lésion arrive en premier, ça, mm-hmm. on ne sait pas encore, la réponse mm-hmm. est encore discutée. Et puis même le lien entre la protéine Tau, qui intervient dans un type de lésion et la protéine bêta-amyloïde qui intervient dans l'autre type de lésion est également mal comprise. OK. Donc, il s'agit de deux protéines, la protéine tau et la protéine bêta-amyloïde, qui forment des agrégats ou des filaments. Oui, puis effectivement, dans deux types différents de lésions. C'est ça. Mais on ne connaît pas vraiment le lien entre les deux. C'est ça, ou la mécanique entre les deux, laquelle arrive en premier. Là. Oui. Maintenant, quels sont les traitements qui existent pour cette maladie, s'il y en a? Les gens atteints de la maladie d'Alzheimer, on observe qu'ils ont aussi un déficit d'acétylcholine au niveau du cortex, au même titre qu'un parkinsonien serait en déficit de dopamine. Okay. On va dire que globalement, ils ont comme une carence en neurotransmetteurs. Okay. Et puis le traitement donc médicamenteux qui existe, il va consister globalement en 3-4 molécules qui sont disponibles sur le marché et qui vont inhiber l'acétylcholine estérase, une enzyme impliquée dans la transformation de l'acétylcholine. OK, pour qu'il y en ait plus, quoi, c'est ça? Oui, elle va métaboliser l'acétylcholine. D'accord. Donc, ces inhibiteurs, ils vont bloquer la transformation de l'acétylcholine, ce qui va la rendre plus disponible au niveau des connexions neuronales ou synaptiques. Synaptiques, OK. C'est ça. Donc, elle est moins dégradée. Et toutefois, il faut dire qu'il s'agit là d'un moyen d'atténuer les symptômes et de les diminuer, mais en aucun cas cela ne traite ou stoppe vraiment les dégénérescences. Okay. Il faut savoir aussi que ce traitement reste un peu limité dans la mesure où on ne peut pas vraiment augmenter les doses administrées aux patients, dans le cas d'une aggravation des symptômes par exemple, car ces inhibiteurs sont pour la majorité toxiques à haute dose, et puis d'ailleurs, certains sont extraits de venin de serpent. OK. Et qu'en est-il alors de l'innovation ou des espoirs à venir? La recherche thérapeutique est très active dans le champ de l'Alzheimer, vous l'avez peut-être remarqué. Actuellement, quelques 120 molécules thérapeutiques sont en phase d'essai. Certains visent à bloquer l'accumulation du peptide bêta-amyloïde dont on a parlé, alors que d'autres tentent de bloquer la modification anormale des protéines tau, à l'origine des dégénérescences neurofibrillaires. Et puis, les chercheurs travaillent aussi très activement à la mise au point d'immunothérapie, l'objectif étant de faire que les défenses immunitaires des malades puissent détruire les plaques amyloïdes. Ah ben oui, c'est une bonne stratégie, effectivement. Donc le premier essai d'un vaccin contre le peptide amyloïde a mis en évidence un taux important de complications, notamment des inflammations. Mais les patients ayant répondu au traitement ont vu la quantité de dépôts amyloïdes présents dans leur cortex cérébral diminuer de manière significative. Puis ces résultats positifs font que de nombreuses équipes de recherche poursuivent leurs travaux pour mettre au point des techniques de vaccination adaptées. Mais c'est surtout en termes de diagnostic que les espoirs sont les plus prometteurs. Il faut savoir qu'habituellement, le diagnostic est fait par des tests cognitifs et psychométriques qui peuvent se faire au milieu hospitalier ou non. Mm-hmm. Mais il faut savoir que ces tests... pendant ces tests, on va juger des capacités mentales ou cognitives des individus. On va leur faire, on va observer leur comment ils vont mener leur orientation spatio-temporelle, leur apprentissage, la mémoire, leur capacité d'attention ou de calcul, la coordination des mouvements, etc. Donc le nombre de billets peut être important et le test le plus répandu est le test de Feldstein qui dure 15 minutes. Donc, c'est pour dire qu'on peut bien se tromper dans le diagnostic, même si les diagnostics sont quand même assez répandus et bien maîtrisés et standardisés, je dirais. Okay. Donc, il y a quand même un risque d'erreur. D'erreur, OK. C'est ça. Donc, des tests qui permettraient, par exemple, de mesurer la quantité d'une protéine reliée à la maladie ou? Donc, c'est ça. Donc, on s'oriente plus faire des tests dits physiologiques ou qui vont se baser sur quelque chose de biologique. C'est ça. Donc, je vais vous citer un exemple avec les scientifiques japonais qui, eux, ont présenté une méthode de diagnostic de la maladie qui est utilisable chez soi à partir d'une seule goutte de sang. C'est aussi simple qu'une mesure de glycémie, par exemple. Donc, un capteur permet de détecter un léger changement de potentiel électrique lié à la présence dans l'échantillon sanguin du peptide bêta-amyloïde. Et puis, ces chercheurs-là, ils prévoient de commercialiser leur test en 2015. Mais ça reste quand même une donnée de diagnostic, mais pas de pronostic. C'est-à-dire, on va voir si la personne a déjà développé les lésions ou non. Alors que les Américains, eux, ils ont développé un nouveau test sanguin permettant de repérer de manière efficace les personnes qui vont peut-être développer la maladie dans le futur, et notamment au cours des 3 années qui vont suivre. D'accord. Donc, selon une étude publiée le lundi 9 mars dernier dans le Nature Medicine, les neurologues américains, ils ont découvert que l'intérêt des lipides pouvait être vraiment intéressant en surveillant justement la composition sanguine de 525 personnes de plus de 70 ans qui étaient en bonne santé et pendant une durée de 5 ans. Et au bout de 3 ans, ils ont comparé un groupe de 53 personnes ayant développé une forme précoce d'Alzheimer ou des problèmes cognitifs, un autre groupe de témoins de 53 personnes aussi, qui eux étaient normaux et non atteints, et puis ils ont découvert que le niveau de certains lipides était plus bas chez les malades que chez les sains. Donc ils se basent sur cette observation-là. D'accord. Et puis le test sanguin va identifier 10 lipides qui permettent de prédire l'apparition de la maladie ou non, avec une précision pouvant atteindre les 90%. Et selon les chercheurs, le test pourrait faire l'objet d'essais cliniques d'ici 2 ans. Ah ben c'est intéressant. Oui. Alors écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous.